cherche mon chemin. Plein des problèmes, la police chez moi. J'ai jamais rien voulu prouver à cela. Il faut que je trouve mon chemin. Trop de questions, je passe du temps pour voir les réponses. Je vais en route la nuit avec mon flash dans une main. Je me rappelle plus du chemin, mais je connais tous les chemins. C'est dehors, t'en trouveras beaucoup qui sont pareils que moi. Ensevelis sous les décombres, la mentale se sort de ça. Comment? Je retourne au front, après on recommence. Et cherche mon chemin.